Rencontrant par hasard, à l'église Saint-Sulpice, le frère du curé de Vernon, Marius apprend quel sacrifice, exigé par son beau-père, a fait son père pour que lui, Marius, soit un jour riche et heureux. Le lendemain, il dit à M. Gillenormand : Nous avons arrangé une partie de chasse avec quelques amis. Voulez-vous me permettre de m'absenter 3 jours ? 4, répondit le grand-père. Va, amuse-toi. Et clignant de l'œil, il dit bas à sa fille aînée : Quelque amourette. Marius fut 3 jours absent, puis il revint à Paris, alla droit à la bibliothèque de l'école de droit et demanda la collection du Moniteur. Il lut le Moniteur, il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le Mémorial de Sainte-Hélène, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, les proclamations, il dévora tout. Marius arriva à connaître pleinement Georges Pommerci, cet homme rare, sublime et doux, cette espèce de lion-agneau qui avait été son père. Cependant, il ne voyait presque plus le Gillenormand. La tante bougonnait. Le père Gillenormand souriait. « Bah, c'est le temps des fillettes !» Quelquefois, le vieillard ajoutait. « Diable, je croyais que c'était une galanterie. Il paraît que c'est une passion. » C'était une passion, en effet. Marius était en train d'adorer son père. De la réhabilitation de son père, il avait naturellement passé à la réhabilitation de Napoléon. À force de piété pour son père, Marius était presque venu à l'aversion pour son aïeul. Marius faisait de temps en temps quelques absences. Dans un de ses voyages, toujours très court, il est allé à Montfermeil pour obéir à l'indication que son père lui avait laissée. Et il avait cherché l'ancien sergent de Waterloo, l'aubergiste Thénardier. Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée, il en savait ce qu'il était devenu. Pour ses recherches, Marius fut 4 jours hors de la maison. On avait pu remarquer qu'il portait sur sa poitrine ou sous sa chemise quelque chose qui était attaché à son cou par un ruban noir. Or, un jour, Gillenormand et sa fille aînée découvrent ce quelque chose. Le billet écrit par Pommerci à Waterloo à destination de Marius, le testament de son père. Aussitôt, le vieux oraliste met Marius à la porte. Marius s'en était allé, sans dire où il allait et sans savoir où il allait. Il fréquenta un certain temps à Paris les amis de l'ABC, groupe de révolutionnaires idéalistes présidé par un certain Enjolras. Et, malgré sa misère matérielle, il refuse l'argent que sa tante lui fait parvenir en cachette.